Jules Verne. Au XIXe siècle, ou la journée d'un journaliste américain. 1889. Lu par Sabine pour audiocité.net sous la licence Art Libre. Les hommes de ce XIXe siècle vivent au milieu d'une féerie continuelle, sans avoir l'air de s'en douter. Blasés sur les merveilles, ils restent froids devant celles que le progrès leur apporte chaque jour. Avec plus de justice, ils apprécieraient, comme ils le méritent, les raffinements de notre civilisation. En la comparant au passé, ils se rendraient compte du chemin parcouru. Combien leur paraîtraient plus admirables les cités modernes aux voies larges de 100 mètres, aux maisons hautes de 300, à la température toujours égale, au ciel sillonné par les milliers d'aérocars et d'aéro-omnibus. Auprès de ces villes, dont la population atteint parfois jusqu'à 10 millions d'habitants, qu'étaient ces villages, ces hameaux d'il y a 1000 ans, ces Paris, ces Londres, ces Berlin, ces New York, bourgades mal aérées et boueuses, où circulaient des caisses cahotantes traînées par des chevaux? Oui, des chevaux, c'est à ne pas le croire. S'ils se souvenaient du défectueux fonctionnement des paquebots et des chemins de fer, de leurs collisions fréquentes, de leur lenteur aussi. Quel prix les voyageurs n'attacheraient-ils pas aux aérotrains, et surtout à ces tubes pneumatiques jetés à travers les océans, et dans lesquels on les transporte à une vitesse de 1 500 km à l'heure? Enfin, ne jouirait-on pas mieux du téléphone et du téléphote en se rappelant les anciens appareils de Morse et de Hugues, si insuffisants pour la transmission rapide des dépêches? Chose étrange! Ces surprenantes transformations reposent sur des principes parfaitement connus que nos aïeux avaient un peu trop négligés. En effet, la chaleur, la vapeur, l'électricité sont aussi vieilles que l'homme. À la fin du XIXe siècle, les savants n'affirmaient-ils pas déjà que la seule différence entre les forces physiques et chimiques réside dans un mode de vibration propre à chacune d'elles des particules éthériques? Puisqu'on avait fait ce pas énorme de reconnaître la parenté de toutes ces forces, est-il vraiment concevable qu'il ait fallu un temps si long pour arriver à déterminer chacun des modes de vibration qui les différencient? Il est extraordinaire, surtout, que le moyen de les reproduire directement l'une sans l'autre ait été découvert tout récemment. C'est cependant ainsi que les choses se sont passées. Et c'est seulement en 2790, il y a 100 ans, que le célèbre Oswald Niger y est parvenu. Un véritable bienfaiteur de l'humanité, ce grand homme. Sa trouvaille de génie fut la mère de toutes les autres. Une pléiade d'inventeurs en acquis, aboutissant à notre extra-orditution du trop-plein des chaleurs estivales, ils sont venus puissamment en aide à l'agriculture. En fournissant la force motrice aux appareils extraordinaires James Jackson. C'est à ce dernier que nous devons les nouveaux accumulateurs qui condensent, les uns la force contenue dans les rayons solaires, les autres l'électricité emmagasinée au sein de notre globe, ceux-là, enfin, l'énergie provenant d'une source quelconque, chute d'eau, vent, rivières et fleuves, etc. C'est de lui que nous vient également le transformateur, qui, puisant sa force vive dans les accumulateurs sous forme de chaleur, de lumière, d'électricité, de puissance mécanique, la rend à l'espace après en avoir obtenu le travail désiré. Oui, c'est du jour où ces deux instruments furent imaginés que date véritablement le progrès. Leurs applications ne se comptent plus. En atténuant les rigueurs de l'hiver par la restitution du trop-plein des chaleurs estivales, ils sont venus puissamment en aide à l'agriculture. En fournissant la force motrice aux appareils de navigation aérienne, ils ont permis au commerce de prendre un magnifique essor. C'est à eux que l'on doit la production incessante de l'électricité sans pile ni machine, la lumière sans combustion ni incandescence, et enfin cette intarissable source de travail qui a centuplé la production industrielle. Eh bien, l'ensemble de ces merveilles, nous allons le rencontrer dans un hôtel incomparable, l'hôtel du Hearth Herald, récemment inaugurée dans la 16823e avenue d'Universal City, la capitale actuelle des États-Unis et des deux Amériques. Si le fondateur du New York Herald, Gordon Bennett, renaissait aujourd'hui, que dirait-il en voyant ce palais de marbre et d'or qui appartient à son illustre petit-fils Francis Bennett? 25 générations se sont succédées, et le New York Herald s'est maintenu dans cette remarquable famille des Bennett. Il y a 200 ans, lorsque le gouvernement de l'Union fut transféré de Washington à Universal City, le journal suivit le mouvement. À moins que ce ne soit le gouvernement qui ait suivi le journal et pris pour titre Earth Herald. Et qu'on s'imagine pas qu'il ait périclité sous l'administration de Francis Bennett. Non. Son nouveau directeur allait au contraire lui inculquer une puissance et une vitalité sans égale, en inaugurant le journalisme téléphonique. On connaît ce système, rendu pratique par l'incroyable diffusion du téléphone. Chaque matin, au lieu d'être imprimé, comme dans les temps antiques, le Earth Herald est parlé. C'est dans une rapide conversation avec un reporter, un homme politique ou un savant, que les abonnés apprennent ce qui peut les intéresser. Quant aux acheteurs du numéro, on le sait, pour quelques cents, ils prennent connaissance de l'exemplaire du jour dans d'innombrables cabinets phonographiques. Cette innovation de Francis Bennett galvanisa le vieux journal. En quelques mois, sa clientèle se chiffra par 85 millions d'abonnés, et la fortune du directeur s'éleva progressivement à 30 milliards, de beaucoup dépassée aujourd'hui. Grâce à cette fortune, Francis Bennett a pu bâtir son nouvel hôtel. Colossale construction à quatre façades, mesurant chacune 3 kilomètres, et dont le toit s'abrite sous le glorieux pavillon 75 fois étoilé de la Confédération. À cette heure, Francis Bennett, roi des journalistes, serait le roi des deux Amériques, si les Américains pouvaient jamais accepter la personnalité d'un souverain quelconque. Vous en doutez? Mais les plénipotentiaires de toutes les nations et nos ministres même se pressent à sa porte, mendiant ses conseils, quêtant son approbation, implorant l'appui de tout puissant organe. Comptez les savants qu'ils encouragent, les artistes qu'ils entretiennent, les inventeurs qu'ils subventionnent. Royauté fatigante que la sienne, travail sans repos et, bien certainement, un homme d'autrefois n'aurait pu résister à un tel labeur quotidien. Très heureusement, les hommes d'aujourd'hui sont de constitution plus robuste, grâce au progrès de l'hygiène et de la gymnastique, qui, de 37 ans, a fait monter à 58 la moyenne de la vie humaine, grâce aussi à la présentation des aliments scientifiques, en attendant la prochaine découverte de l'air nutritif qui permettra de se nourrir, rien qu'en respirant. Et maintenant, s'il vous plaît de connaître tout ce que comporte la journée d'un directeur du Earth Herald, prenez la peine de le suivre dans ses multiples occupations. Aujourd'hui même, ce 25 juillet de la présente année 2890. Francis Bennett, ce matin-là, s'est réveillé d'assez maussade d'humeur. Depuis 8 jours, sa femme était en France. Il se trouvait donc un peu seul. Le croirait-on ? Depuis 10 ans qu'ils sont mariés, c'est la première fois que Miss Edith Bennett, la professionnelle beauty, faisait une si longue absence. D'ordinaire, 2 ou 3 jours suffisaient à ses fréquents voyages en Europe, et plus particulièrement à Paris, où elle achetait ses chapeaux. Le premier soin de Francis Bennett fut donc de mettre en action son phonotéléphote, dont les fils aboutissaient à l'hôtel qu'il possédait aux Champs-Élysées. Le téléphone, complété par le téléphote, encore une conquête de notre époque. Si, depuis tant d'années, on transmet la parole par des courants électriques, c'est d'hier seulement que l'on peut aussi transmettre l'image. Précieuse découverte dont Francis Bennett, ce matin-là, ne fut pas le dernier à bénir l'inventeur, lorsqu'il aperçut sa femme, reproduite dans un miroir téléphotique, malgré l'énorme distance qui l'en séparait. Douce vision. Un peu fatiguée du bal ou du théâtre de la veille, Mrs. Bennett est encore au lit. bien qu'il soit près de midi là-bas, elle dort, sa tête charmante enfouie sous les dentelles de l'oreiller. Mais la voilà qui s'agite, ses lèvres tremblent. Elle rêve, sans doute. Oui, elle rêve. Un nom s'échappe de sa bouche. Francis, mon cher Francis. Son nom, prononcé par cette douce voix, a donné à l'humeur de Francis Bennett un tour plus heureux. Et, ne voulant pas réveiller la jolie dormeuse, il saute rapidement hors de son lit et pénètre dans son habilleuse mécanique. 2 minutes après, sans qu'il eût recouru à l'aide d'un valet de chambre, la machine le déposait. Lavé, coiffé, chaussé, vêtu et boutonné du haut en bas sur le seuil de ses bureaux. La journée quotidienne allait commencer. Ce fut dans la salle des romanciers feuilletonistes que Francis Bennett pénétra tout d'abord. Très vaste, cette salle, surmontée d'une large coupole translucide. Dans un coin, divers appareils téléphoniques, par lesquels les 100 littérateurs du Hull Ferrag racontent 100 chapitres de 100 romans au public enfiévré. Avisant un des feuilletonistes qui prenait 5 minutes de repos. « Très bien, mon cher, lui dit Francis Bennett, très bien votre dernier chapitre. La scène où la jeune villageoise aborde avec son galant quelques problèmes de philosophie transcendante est d'une très fine observation. On n'a jamais mieux peint les mœurs champêtres. Continuez, mon cher Archibald. Bon courage. 10 000 abonnés nouveaux depuis hier, grâce à vous. » Monsieur John Last, reprit-il en se tournant vers un autre de ses collaborateurs, je suis moins satisfait de vous. Ça n'a pas vécu, votre roman. Vous courez trop vite au but. Eh bien, et les procédés documentaires? Il faut disséquer. Ce n'est pas avec une plume qu'on écrit de notre temps. C'est avec un bistouri. Chaque action dans la vie réelle est la résultante de pensées fugitives et successives qu'il faut dénombrer avec soin pour créer un être vivant. Et quoi de plus facile, en se servant de l'hypnotisme électrique, qui dédouble l'homme et dégage sa personnalité? Regardez-vous vivre, mon cher John Last. Imitez votre confrère que je complimentais tout à l'heure. Faites-vous hypnotiser, hein? Vous le faites, dites-vous? Pas assez, alors, pas assez. Cette petite leçon donnée, Francis Bennett poursuit son inspection et pénètre dans la salle de reportage. Ces 1500 reporters, placés alors devant un égal nombre de téléphones, reçus pendant la nuit des 4 coins du monde. L'organisation de cet incomparable service a été souvent décrite. Outre son téléphone, chaque reporter a devant lui une série de commutateurs permettant d'établir la communication avec telle ou telle ligne téléphotique. Les abonnés ont donc non seulement le récit, mais la vue des événements, obtenue par la photographie intensive. Francis Bennett interpelle un des 10 reporters astronomiques attachés à ce service, qui accroîtra avec les nouvelles découvertes opérées dans le monde stellaire. « Eh bien, Cash, qu'avez-vous reçu ?»« Des phototélégrammes de Mercure, de Vénus et de Mars, monsieur. »« Intéressant, ce dernier. »« Oui, une révolution dans le Central Empire. » au profit des démocrates libéraux contre les républicains conservateurs. Comme chez nous, alors. Et de Jupiter? Rien encore. Nous n'arrivons pas à comprendre les signaux des Joviens. Peut-être les... Cela vous regarde, et je vous en rends responsable, monsieur Cash, répondit Francis Bennett, qui, fort mécontent, gagna la salle de rédaction scientifique. Penchés sur leur compteur, 30 savants s'y absorbaient, dans des équations du 95e degré. Quelques-uns se jouaient même au milieu des formules de l'infini algébrique et de l'espace à 24 dimensions, comme un élève avec les 4 règles de l'arithmétique. Francis Bennett tomba parmi eux à la façon d'une bombe. « Eh bien, messieurs, que me dit-on? Aucune réponse de Jupiter. Ce sera donc toujours la même chose. Voyons, Corley, depuis 20 ans que vous potassez cette planète, il me semble... « Que voulez-vous, monsieur ?» répondit le savant interpellé. « Notre optique laisse encore beaucoup à désirer, et même avec nos télescopes de 3 kilomètres. »« Vous entendez, pire ?» interrompit Francis Bennett en s'adressant au voisin de Corley. « l'optique laisse à désirer. C'est votre spécialité, cela, mon cher. Mettez des lunettes, que diable, mettez des lunettes. » Puis revenant à Corlay. « Mais à défaut de Jupiter, obtenons-nous au moins un résultat du côté de la Lune ?»« Pas davantage, monsieur Bennett. » »« Ah, cette fois, vous n'excuserez pas l'optique. La Lune est 600 fois moins éloignée que Mars, avec lequel, cependant, notre service de correspondance est régulièrement établi. Ce ne sont pas les télescopes qui manquent. » Non, mais ce sont les habitants, répondit Corlay avec un fin sourire de savant truffé d'X. Vous osez affirmer que la Lune est inhabitée? Du moins, monsieur Bennett, sur la face qu'elle nous présente. Qui sait si de l'autre côté? Eh bien, Corlay, il y a un moyen très simple de s'en assurer. Et lequel? C'est de retourner la Lune. Et ce jour-là, les savants de l'usine Bennett piochèrent les moyens mécaniques qui devaient amener le retournement de notre satellite. Du reste, Francis Bennett avait lieu d'être satisfait. L'un des astronomes du Earth Herald venait de déterminer les éléments de la nouvelle planète Gandini. C'est à 16 348 284 km² que cette planète décrit son orbite autour du Soleil. Et pour l'accomplir, il lui faut 272 ans, 194 jours, 12 heures, 43 minutes, 9 secondes et 8 dixièmes de seconde. Francis Bennett fut enchanté de cette précision. Bien, s'écria-t-il. Hâtez-vous d'en informer le service du reportage. Vous savez quelle passion le public apporte à ces questions astronomiques. Je tiens à ce que la nouvelle paraisse dans le numéro d'aujourd'hui. Avant de quitter la salle des reporters, Francis Bennett poussa une pointe vers le groupe spécial des intervieweurs et s'adressant à celui qui était chargé des personnages célèbres. « Avez-vous interviewé le président Wilcox ? » demanda-t-il. « Oui, monsieur Bennett, et je publie dans la colonne des informations que c'est décidément une dilatation de l'estomac dont il souffre et qu'il se livre aux lavages tubiques les plus consciencieux. » « Parfait. » Et cette affaire de l'assassin Chapman, avez-vous interviewé les jurés qui doivent siéger aux assises? Oui, et tous sont d'accord sur la culpabilité, de telle sorte que l'affaire ne sera même pas renvoyée devant eux. L'accusé sera exécuté avant d'avoir été condamné. Exécuté électriquement? Électriquement, monsieur Bennett, et sans douleur. Moi, ce qu'on suppose, parce qu'on n'est pas encore fixé sur ce détail. La salle adjacente, vaste galerie longue d'un demi-kilomètre, était consacrée à la publicité, et l'on imagine aisément ce que doit être la publicité d'un journal tel que le Earth Herald. Elle rapporte en moyenne 3 millions de dollars par jour. Grâce à un ingénieux système, d'ailleurs, une partie de cette publicité se propage sous une forme absolument nouvelle, due à un brevet acheté au prix de 3 dollars un pauvre diable qui est mort de faim. Ce sont d'immenses affiches réfléchies par les nuages et dont la dimension est telle qu'on peut l'apercevoir d'une contrée tout entière. Dans cette galerie, 1000 projecteurs étaient sans cesse occupés à envoyer aux nues, qui les reproduisaient en couleur, ces annonces démesurées. Mais ce jour-là, lorsque Francis Bennett entra dans la salle de publicité, il vit que les mécaniciens se croisaient les bras auprès de leurs projecteurs inactifs. Il s'informe. Pour toute réponse, on lui montre le ciel d'un bleu pur. « Oui, du beau temps, murmure-t-il. Et pas de publicité aérienne possible. Que faire? S'il ne s'agissait que de pluie, on pourrait la produire. Mais ce n'est pas de la pluie, ce sont des nuages qu'il nous faudrait. » « Oui. « De beaux nuages bien blancs, » répondit le mécanicien-chef. « Eh bien, monsieur Samuel Mark, vous vous adresserez à la rédaction scientifique, service météorologique. Vous lui direz de ma part qu'elle s'occupe activement de la question des nuages artificiels. On ne peut vraiment pas rester ainsi à la merci du beau temps. » Après avoir ainsi achevé l'inspection des diverses branches du journal, Francis Bennett passa au salon de réception où l'attendaient les ambassadeurs et ministres plénipotentiaires, accrédités près du gouvernement américain. Ces messieurs venaient chercher les conseils du tout-puissant directeur. Au moment où Francis Bennett entrait dans ce salon, on y discutait avec une certaine vivacité. « Que votre Excellence me pardonne, » disait l'ambassadeur de France à l'ambassadeur de Russie, « mais je ne vois rien à changer à la carte de l'Europe. Le nord aux Slaves, soit. Mais le midi aux Latins. Notre commune frontière du Rhin me paraît excellente. D'ailleurs, sachez-le bien, mon gouvernement résistera à toute entreprise qui serait faite contre nos préfectures de Rome, de Madrid et de Vienne. « Bien parlé, » dit Francis Bennett en intervenant dans le débat. « Comment, monsieur l'ambassadeur de Russie, vous n'êtes pas satisfait de votre vaste empire, qui, des bords du Rhin, s'étend jusqu'aux frontières de la Chine, un empire dont l'océan glacial, l'Atlantique, la mer Noire, le Bosphore, l'océan Indien baignent l'immense littoral? Et puis, à quoi bon ces menaces? La guerre est-elle possible avec les inventions modernes, ces obus asphyxiants qu'on envoie à des distances de 100 kilomètres, ces étincelles électriques longues de 20 lieues, qui peuvent anéantir d'un seul coup tout corps d'armée, ces projectiles que l'on charge avec les microbes de la peste, du choléra, de la fièvre jaune, et qui détruiraient toute une nation en quelques heures? Nous le savons, monsieur Bennett, répondit l'ambassadeur de Russie. Mais fait-on ce que l'on veut? Poussés nous-mêmes par les Chinois sur notre frontière orientale, il nous faut bien, coûte que coûte, tenter quelque effort vers l'ouest. N'est-ce que cela, monsieur? Répliqua Francis Bennett d'un ton protecteur. Eh bien, puisque la prolifération chinoise est un danger pour le monde, nous pèserons sur le Fils du ciel. Il faudra bien qu'il impose à ses sujets un maximum de natalité qu'ils ne pourront dépasser sous peine de mort. Cela fera compensation. Et vous, monsieur, dit le directeur du Earth Herald en s'adressant au consul d'Angleterre, que puis-je pour votre service? Beaucoup, monsieur Bennett, répondit ce personnage en s'inclinant humblement. Il suffirait que votre journal voulût bien entamer une campagne en notre faveur. Et à quel propos? Tout simplement pour protester contre l'annexion de la Grande-Bretagne aux États-Unis. Tout simplement, s'écria Francis Bennett en haussant les épaules. Une annexion vieille de 150 ans déjà. Mais messieurs les Anglais ne se résigneront donc jamais à ce que, par un juste retour des choses ici-bas, leur pays soit devenu colonie américaine. C'est de la pure folie. Comment votre gouvernement a-t-il pu croire que j'entamerais cette antipatriotique campagne? Monsieur Bennett, la doctrine de Monroe, c'est toute l'Amérique aux Américains, vous le savez bien. Rien que l'Amérique et non pas. Mais l'Angleterre n'est qu'une de nos colonies, monsieur. L'une des plus belles, j'en conviens. Et ne comptez pas que nous consentions jamais à la rendre. Vous refusez? Je refuse. Et si vous insistez, nous ferions naître un casus belli rien que sur l'interview de l'un de nos reporters. C'est donc la fin, murmura le consul accablé. Le Royaume-Uni, le Canada et la Nouvelle-Bretagne sont aux Amériques. Les Indes sont aux Russes. L'Australie et la Nouvelle-Zélande sont à elles-mêmes. De tout ce qui fut autrefois l'Angleterre, que nous reste-t-il? Plus rien. Plus rien, monsieur, riposta Francis Bennett. Eh bien, et Gibraltar? Midi sonnait en ce moment. Le directeur du Earth Herald, terminant l'audience d'un geste, quitta le salon, s'assit sur un fauteuil roulant et gagna en quelques minutes sa salle à manger, située à 1 kilomètre de là, à l'extrémité de l'hôtel. La table était dressée. Francis Bennett y prend place, apportait de sa main et disposait une série de robinets, et devant lui s'arrondit la glace d'un photo-téléphote sur laquelle apparaît la salle à manger de son hôtel à Paris. Malgré la différence d'heure, monsieur et Mrs. Bennett se sont entendus pour faire le repas en même temps. Rien de plus charmant comme le déjeuner, ainsi, en tête-à-tête, à 1000 lieues de distance, de se voir, de se parler au moyen des appareils photo-téléphotiques. Mais en ce moment, la salle de Paris est vide. Edith se sera mise en retard, se dit Francis Bennett. Oh, l'exactitude des femmes! Tout progresse excepté cela. Et en faisant cette trop juste réflexion, il tourne un des robinets. Comme tous les gens à leur aise à notre époque, Francis Bennett, renonçant à la cuisine domestique, est un des abonnés à la grande société d'alimentation à domicile. Cette société distribue par un réseau de tubes pneumatiques des mets de 1000 espèces. Ce système est coûteux, sans doute, mais la cuisine est meilleure, et il y a cet avantage qu'il supprime la race horripilante des cordons bleus des deux sexes. Francis Bennett déjeune donc seul, non sans quelques regrets, et il achevait son café lorsque Mrs. Bennett, rentrant chez elle, apparut dans la classe du téléphone. « D'où viens-tu donc, ma chère Edith ?» demanda Francis Bennett. « Tiens, » répondit Mrs. Bennett, « tu as fini? Je suis donc en retard ?»« D'où je viens? Mais de chez mon modiste. Il y a cette année des chapeaux ravissants. »« Ce ne sont même plus des chapeaux, ce sont des dômes, des coupoles. Je me serais un peu oublié. »« Un peu, ma chère, si bien que voilà mon déjeuner fini. »« Eh bien, va, mon ami, va à tes occupations, » répondit Mrs. Bennett. J'ai encore une visite à faire chez mon couturier modeleur. » Et ce couturier n'était rien moins que le célèbre Wormspear, celui qui a si judicieusement proclamé ce principe « La femme n'est qu'une question de forme. » Francis Bennett baisa la joue de Miss Bennett sur la glace du téléphone et se dirigea vers la fenêtre où l'attendait son aérocar. « Où va monsieur ?» demanda l'aérocoachman. « Voyons, j'ai le temps, » répondit Francis Bennett. « Conduisez-moi à mes fabriques d'accumulateurs du Niagara. » L'aérocar, machine admirable fondée sur le principe du plus lourd que l'air, s'élança à travers l'espace à une vitesse de 600 km à l'heure. Au-dessous de lui défilaient les villes et leurs trottoirs mouvants qui transportaient les passants le long des rues, les campagnes recouvertes comme d'une immense toile d'araignée, du réseau des fils électriques. En une demi-heure, Francis Bennett eut atteint sa fabrique du Niagara, dans laquelle, après avoir utilisé la force des cataractes à produire de l'énergie, il la vend ou la loue aux consommateurs. Puis, sa visite achevée, il revint par Philadelphie, Boston et New York à Universal City, où son aérocar le déposa vers 5 heures. Il y avait foule dans la salle d'attente du Earth Herald. On guettait le retour de Francis Bennett pour l'audience quotidienne qu'il accorde aux solliciteurs. C'étaient des inventeurs quémandant des capitaux, des brasseurs d'affaires proposant des opérations, tout excellentes à les entendre. Parmi ces propositions diverses, il faut faire un choix, rejeter les mauvaises, examiner les douteuses, accueillir les bonnes. Francis Bennett eut rapidement expédié ce qui n'apportait que des idées inutiles ou impraticables. L'un ne prétendait-il pas faire revivre la peinture, cet art tombé en telle désuétude que l'Angélus de Millet venait d'être vendu 15 francs, et cela grâce au progrès de la photographie en couleur, inventée à la fin du XIXe siècle par le japonais Harusiswa, Ryoshi, Nichrome, Sanju Kambose, Kiyo, Basikyu, dont le nom est devenu si facilement populaire. L'autre n'avait-il pas trouvé le bacille primogène, qui devait rendre l'homme immortel, après avoir été introduit dans l'organisme humain, sous forme de bouillon bacillaire? Celui-ci, un chimiste pratique, ne venait-il pas de découvrir un nouveau corps simple, le nihilium, dont le kilogramme ne coûtait que 300 millions de dollars? Celui-là, un médecin audacieux, n'affirmait-il pas que si les gens mouraient encore, du moins ils mourraient guéris? Et cet autre, plus audacieux, ne prétendait-il pas qu'il possédait un remède spécifique contre le rhume du cerveau? Tous ces rêveurs furent promptement éconduits. Quelques autres reçurent meilleur accueil, et d'abord un jeune homme, dont le vaste front annonçait une vive intelligence. « Monsieur, dit-il, si autrefois on comptait 75 corps simples, ce nombre est réduit à 3 aujourd'hui, vous le savez ?» « Parfaitement, » répondit Francis Bennett. « Eh bien, monsieur, je suis sur le point de ramener ces 3 à 1 seul. si l'argent ne me manque pas, dans quelques semaines j'aurai réussi. » « Et alors ?»« Alors, monsieur, j'aurai tout bonnement déterminé l'absolu. » « Et la conséquence de cette découverte ?»« Ce sera la création facile de toute matière. Pierre, bois, métal, fibrine. » « Prétendriez-vous donc parvenir à fabriquer une créature humaine ?»« Entièrement. Il n'y manquera que l'âme. »« Que cela ?» répondit ironiquement Francis Bennett, qui attacha cependant ce jeune chimiste à la rédaction scientifique du journal. Le second inventeur, se basant sur de vieilles expériences qui dataient du XIXe siècle, et souvent renouvelées depuis, avait l'idée de déplacer une ville entière d'un seul bloc. Il s'agissait, en l'espèce, de la ville de Staff, située à une quinzaine de milles de la mer, et qu'on transformait en station balnéaire, après l'avoir amenée sur les rails jusqu'au littoral, d'où une énorme plus-value pour les terrains bâtis et à bâtir. Francis Bennett, séduit par ce projet, consentit à se mettre de moitié dans l'affaire. « Vous savez, monsieur, lui dit un troisième postulant, que, grâce à nos accumulateurs et transformateurs solaires et terrestres, nous avons pu égaliser les saisons. Transformons en chaleur une part de l'énergie dont nous disposons et envoyons cette chaleur aux contrées polaires dont elle fondra les glaces. « Laissez-moi vos plans, répondit Francis Bennett, et revenez dans 8 jours. » Enfin, un quatrième savant apportait la nouvelle que l'une des questions qui passionnait le monde entier allait recevoir sa solution ce soir même. On sait qu'il y a un siècle, une hardie expérience avait attiré l'attention publique sur le docteur Nathaniel Fedburn, partisan convaincu de l'hibernation humaine, c'est-à-dire de la possibilité de suspendre les fonctions vitales, puis de les faire renaître après un certain temps. Il s'était décidé à expérimenter sur lui-même l'excellence de sa méthode. Après avoir, par testament holographe, indiqué les opérations propres à le ramener à la vie, dans 100 ans jour pour jour, il s'était soumis à un froid de 172 degrés. Réduit alors à l'état de momie, le docteur Fedburn avait été enfermé dans un tombeau pour la période convenue. Or, c'était précisément ce jour-ci, 25 juillet 1890, que le délai expirait, et l'on venait offrir à Francis Bennett de procéder dans l'une des salles du Earth Herald à la résurrection si impatiemment attendue. Le public pourrait de la sorte être tenu au courant seconde par seconde. La proposition fut acceptée, et comme l'opération ne devait pas se faire avant 9 heures du soir, Francis Bennett vint s'étendre dans le salon d'audition sur une chaise longue. Puis, tournant un bouton, il se mit en communication avec le central concert. Après une journée si occupée, quel charme il trouva aux œuvres des meilleurs maestros de l'époque, basées sur une succession de savantes formules harmonico-algébriques. L'obscurité s'était faite, et plongé dans un sommeil demi-extatique, Francis Bennett ne s'en apercevait même pas. Une porte s'ouvrit soudain. « Qui va là ? » dit-il en tournant un commutateur placé sous sa main. Aussitôt, par un ébranlement électrique produit sur l'éther, l'air devint lumineux. « Ah, c'est vous, docteur ? » dit Francis Bennett. « Moi-même, » répondit le docteur Sam, qui venait faire sa visite quotidienne, abonnement à l'année. « Comment va ? » ?»« Bien. » « Tant mieux. Voyons cette langue. » Et il la regarda au microscope. « Bonne. Et ce pouls ?» Il le tâta avec un sismographe, à peu près analogue à ce qui enregistre les trépidations du sol. « Excellent. Et l'appétit ?»« Oui, l'estomac. Il ne va plus bien, l'estomac. » »« Il vieillit, l'estomac. Mais la chirurgie a fait tant de progrès. Il faudra vous en faire remettre un neuf. » « Vous savez, nous avons des estomacs de rechange, garantis 2 ans. »« Nous verrons, » répondit Francis Bennett. « En attendant, docteur, dînez avec moi. » Pendant le repas, la communication phono-téléphonique était établie avec Paris. Cette fois, Edith Bennett était devant sa table, et le dîner, entremêlé des bonbons du docteur Sam, fut charmant. Puis, à peine terminé. Quand comptes-tu revenir à Universal City, ma chère Edith ? Demanda Francis Bennett. Je vais partir à l'instant. Par le tube ou l'aérotrain ? Par le tube. Alors tu seras ici ? À 11h59 du soir. Heure de Paris ? Non, non, heure d'Universal City. À bientôt donc, et surtout ne manque pas le tube. Ces tubes sous-marins, par lesquels on venait d'Europe en 295 minutes, étaient préférables aux aérotrains, qui ne faisaient que 1000 km à l'heure. Le directeur se retira, après avoir promis de revenir assister à la résurrection de son confrère Nathaniel Fedburn, et Francis Bennett, voulant arrêter les comptes du jour, passa dans son bureau. Opération énorme, quand il s'agit d'une entreprise dont les frais quotidiens s'élèvent à 1 500 $. Très heureusement, les progrès de la mécanique moderne facilitent singulièrement ce genre de travail. À l'aide du piano compteur électrique, Francis Bennett eut achevé sa besogne en 25 minutes. Il était temps. À peine avait-il frappé la dernière touche de l'appareil totalisateur que sa présence était réclamée au salon d'expérience. Il s'y rendit aussitôt et fut accueilli par un nombreux cortège de savants, auquel s'était joint le docteur Sam. Le corps de Nathaniel Fedburn est là, dans sa bière, qui est placée sur des tréteaux au milieu de la salle. Le téléphone est actionné, et le monde entier va pouvoir suivre les diverses phases de l'opération. On ouvre le cercueil, on en sort Nathaniel Fedburn. Il est toujours comme une momie, jaune, dur, sec. Il résonne comme du bois. On le soumet à la chaleur, à l'électricité, aucun résultat. On l'hypnotise, on le suggestionne. Rien n'a raison de cet ultra-cataleptique. « Eh bien, docteur Sam ?» demande Francis Bennett. Le docteur Sam se penche sur le corps, il l'examine avec la plus vive attention. Il y introduit, au moyen d'une injection hypodermique, quelques gouttes du fameux élixir Brand Sequard, qui était encore la mode. La momie est plus momifiée que jamais. « Eh bien, répond le docteur Sam, je crois que l'hibernation a été trop prolongée. Et alors ?»« Et alors, Nathaniel Fedburn est mort. »« Mort ? Aussi mort qu'on peut l'être. »« Pouvez-vous dire depuis quand ?»« Depuis quand ?» répond le docteur Sam. « Mais, depuis qu'il a eu la fâcheuse idée de se faire congeler par amour pour la science. »« Allons, dit Francis Bennett, voici une méthode qui a besoin d'être perfectionnée. »« Perfectionnée est le mot, répondit le docteur Sam, tandis que la communication scientifique d'hibernation remportait son funèbre colis. » Francis Bennett, suivi du docteur Sam, regagna sa chambre, et comme il paraissait très fatigué et après une journée si bien remplie, le docteur lui conseilla de prendre un bain avant de se coucher. « Vous avez raison, docteur, cela me remettra. »« Tout à fait, monsieur Bennett. Et si vous le voulez, je vais commander en sortant. »« C'est inutile, docteur. Il y a toujours un bain préparé dans l'hôtel. Et je n'ai même pas l'ennui d'aller le prendre hors de ma chambre. »« Tenez, rien qu'en touchant ce bouton, la baignoire va se mettre en mouvement. Et vous la verrez se présenter toute seule avec de l'eau. » À la température de 37 degrés. Francis Bennett venait de presser le bouton. Un bruit sourd naissait, s'enflait, grandissait. Puis, une des portes s'ouvrant, la baignoire apparut, glissant électriquement sur les rails. Ciel ! Tandis que le docteur Sam se voile la face, de petits cris de pudeur effarouchés s'échappent de la baignoire. Arrivé depuis une demi-heure à l'hôtel par le tube transocéanique, Mrs. Bennett était dedans. Le lendemain, 26 juillet 2890, le directeur du Earth Herald commençait sa tournée de 20 km à travers ses bureaux. Et le soir, quand son totalisateur eut opéré, ce fut par 250 000 $ qu'il déchiffra le bénéfice de cette journée, 50 000 de plus que la veille. Un bon métier, le métier de journaliste à la fin du XIXe siècle.